a pas de cheminée chez moi. Pourtant j'entends le chaud crépitement du bois se consumant. Il a pas de cheminée chez moi. Pourtant j'entends le chaud crépitement du bois se consumant. Dans ma maison qui sent l'épiderme au réveil, un plat de cerises au soleil, simplement car il y a toi dedans. Y'a pas de jardin sous mes fenêtres. Pourtant j'entends gazouiller sur les pâquerettes les pélicans. Y'a pas de jardin sous mes fenêtres. Pourtant j'entends gazouiller sur les pâquerettes les pélicans. Dans ma maison qui sent l'épiderme au réveil, un plat de cerises au soleil, simplement car y'a toi dedans. Soleil, simplement car il y a soi dedans.